Mosaïque. Radio Isanganiro, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous allons parler dans cette émission du conflit burundo-rwandais. Depuis le début de cette crise que traverse le Burundi, même avant les manifestations d'avril 2015, les Burundais avaient déjà commencé à fuir vers le Rwanda. L'effectif des Burundais qui ont quitté le Burundi pour aller se réfugier dans les pays de la sous-région, dont le Rwanda, a gonflé. Après le putsch manqué du 13 mai 2015, le Rwanda héberge à elle seule plus de 5000 réfugiés burundais. Le gouvernement burundais a dénoncé les probables formations militaires qui s'offriraient au camp des réfugiés de Mahama. Il a dès lors parlé d'une ingérence du gouvernement rwandais dans la politique burundaise. Des marches manifestations ont alors été organisées à travers tout le pays, des slogans contre le président rwandais Paul Kagame ont été libérés. Et puis le président burundais Pierre Nkurunziza avait appelé tous les Burundais à ne plus évoquer de tels slogans et avait même dit que les autorités qui ont contribué à lancer de tels slogans seront sanctionnées. Le diplomate américain qui a visité le Burundi au mois de mars dernier, Tom Malinowski, a dénoncé le fait qu'il se ferait justement des entraînements militaires des réfugiés burundais sur le sol rwandais. Dès lors, le président rwandais avait dit qu'il ne laisserait pas le Rwanda être victime. Le conflit a continué à croître et a débouché sur le refoulement de plus de 1500 Burundais qui vivaient d'une façon irrégulière sur le sol rwandais. Le Burundi a répliqué en refoulant 14 Rwandais qui vivaient au Burundi, en province Kirundo. Comme les Burundais n'ont pas eu le droit d'apporter leurs biens qui se trouvaient au Rwanda, les Rwandais refoulés du Burundi n'ont pas également eu aussi le temps d'apporter leurs biens qu'ils avaient au Burundi. Des deux gouvernements, il n'y a presque pas d'action concrète qui viserait à résoudre cette crise. Si rien n'est fait, qui risque de dégénérer pour parler de ce problème? Nous avons préféré donner le micro aux Burundais et Burundaises qui peuvent donner leur contribution sur la gestion de ce nouveau conflit entre le Burundi et le Rwanda. Vos avis, vos interventions sont les bienvenus sous les ondes de la radio Isanganiro. Justement, par rapport à cela, nous invitons celui ou celle qui veut donner sa contribution à le faire de la manière la plus sage et la plus polie. Marie-Ange, avec vous au micro, cabine technique Albert Ndouayo, qui assure la mise en onde, et Valice Nzikobanyanga à la réalisation. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque en direct, Marie-Ange avec vous au micro. Je rappelle que l'émission est en direct justement et que les numéros n'ont pas changé. C'est le 22, le 24 et 66 01, le 22, le 24, 66 02. Encore une fois, bienvenue. Pour débuter cette émission, Evariste Nzikobanyanga, journaliste de la radio Isanganiro, s'est rendu à Kirundo et a rencontré les réfugiés burundais refoulés du Rwanda. Son reportage. La plupart de ces Burundais refoulés du Rwanda voisin depuis la fin du week-end dernier sont originaires de la commune Nega en province Kirundo. Ils indiquent avoir laissé leurs biens sur le sol rwandais, en témoigne Marc Nyonizigiye, un de ces refoulés. Moi je suis parmi les refoulés du Rwanda. Nous avons été traités comme des irréguliers. Nous sommes rentrés main vide. Nous y avons laissé toutes nos richesses, les enfants y compris. À l'origine de ce refoulement, ces Burundais ont été obligés d'aller vivre dans les camps de réfugiés et n'ont pas obtempéré, arguant qu'ils étaient dans leur ménage. Parmi ces refoulés figurent ceux qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs biens. Le cas le plus frappant est celui de Patrice Nzeyimana. Vendredi, on nous a informé que nous allions rentrer au Burundi. J'ai demandé si on ne pouvait pas m'accorder du temps, ne fût-ce que pour faire la moisson. Ils m'ont répondu que tout ce que j'ai comme bien revient au Rwanda. J'ai dit à ma femme que je vais quitter le Rwanda, qu'elle pourra venir après. Le lendemain samedi, nous avons été convoqués et on s'est vu refouler. J'ai laissé ma femme et mes enfants et je n'ai aucune nouvelle. Ces habitants de Nega, refoulés du Rwanda voisin, mènent une vie difficile depuis leur arrivée. Ils campent dans les ménages de leurs anciens voisins. Ils n'ont pas quoi mettre sous la dent. Ils n'ont pas des habits. Pour ne citer que cela, c'est pour cette raison qu'ils crient à l'aide d'urgence. En un peu de mots, je demanderai une tente ainsi que de vivre, car dormir dans un ménage de notre famille, c'est gênant. Les résidents de Nega ont bien accueilli leurs frères et sœurs de retour dans leur pays d'origine. Pour aider cette population en détresse, l'administration communale de Nega indique être en train de toquer chez les bienfaiteurs. Noisa Dieu Aimé invite à toutes les âmes charitables d'intervenir. Ils sont venus chez leurs parents, leurs frères et leurs voisins. Donc pour le moment, on n'a pas de site pour eux seulement. Ils vivent dans les familles là où nous vivons nous aussi. Et comment est la situation? Est-ce qu'ils trouvent de quoi mettre sous la dent? Quels sont les problèmes qu'ils ont? Nous les Burundis, nous avons l'habitude d'accueillir, de partager le petit pain que nous avons. L'assistance qui est disponible, c'est l'assistance du riz et du haricot qui a été envoyée par le ministère de la Solidarité. Et puis nous demandons aussi aux autres organismes qui peuvent aider en ce qui concerne la santé de ces refoulés. Depuis samedi de la semaine dernière, 1300 Burundais refoulés du Rwanda ont passé par Nega et cette dernière n'en comptait que 1116. Depuis Nega, en province Kirundo, Evariste Nzikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci à Evariste Nzikobanyanga. Et puis le conseiller principal du gouverneur de la province Kirundo a parlé également sur la situation humanitaire de ces réfugiés, Ngabonziza Gérard. Il y a des Burundais qui sont en train d'être refoulés du Rwanda. Concernant les effectifs, jusqu'à 20h, c'est-à-dire mardi, on était à 1320. Mais hier soir, on a refoulé également 29 via la frontière Nembagasenyi. Vous entendez qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on peut estimer un effectif qui est aux alentours de 2350. Ces refoulés, ils sont rentrés main vide. Comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Ils sont dans quelles conditions? Je dirais qu'ils sont dans une situation qui n'est pas bonne, puisqu'ils sont rentrés main vide. Mais bon, ils ont regagné leur ménage. Mais vous comprendrez qu'il y a des gens qui venaient de passer plus d'une année, 3 ans, jusqu'à même à 20 ans. Vous comprendrez qu'il y a des personnes qui sont dans une situation très critique. Mais nous avons demandé à l'administration communale et collinaire de voir comment les aider dans les premiers jours, surtout en collectant quelques vivres, 1 kilo, 2 kilos de vivres, haricots, surtout que pendant cette saison, nous voyons que nous aurons quelque chose. Concernant l'administration provinciale, nous sommes en train de toquer de part et d'autre, par exemple au niveau du PAM, au niveau du ministère des droits de la personne humaine, pour voir comment on peut venir en secours à ces refoulés qui rentrent main vide. Mais pour le moment, je vous dirais que la situation n'est pas encore grave, puisqu'on avait quelque chose ici, on avait un stock ici à la province qu'on a essayé de donner à ces refoulés, Mais je pense que d'ici bientôt, la semaine prochaine, les autres vont venir en secours à ces personnes qui sont en train d'être refoulées. Justement, ces refoulés demandent à l'administration provinciale de les aider à trouver des papiers qui leur permettraient de retourner au Rwanda pour récupérer leurs biens. Est-ce que cela est possible? C'est pas facile, puisque selon les informations que nous recueillons, on les oblige d'aller chercher des laissez-passer. Et sachant le prix de ce document qui avoisine autour de 50 000, avoir l'état dans lequel il se trouve, je pense que ça, c'est une question que nous allons soumettre aux échelons supérieurs pour voir comment trouver solution à cette question. Sinon, je dirais que ce n'est pas facile de trouver ce document, avoir l'état de pauvreté dans laquelle ils sont rentrés. Et justement, rappelons que 14 Rwandais qui vivaient au Burundi, en province Kirundo, ont été aussi refoulés vers leur pays. Nous avions essayé de joindre le ministre rwandais des relations extérieures pendant plus de 2 semaines. Son téléphone sonne, mais elle ne décroche pas. Nous avons essayé également de joindre l'ambassadeur du Rwanda au Burundi. On nous a informé qu'il n'était pas au pays. Mosaïque en direct. Nous sommes déjà en direct avec le premier intervenant. C'est Jean Dodieu, Moutabazi, de la coalition COPA. Jean Dodieu, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Oui, justement, nous sommes en train de parler de ce conflit entre le Burundi et le Rwanda et avoir justement quelle est votre appréciation sur ce conflit, avoir la situation aujourd'hui. Je peux dire que aujourd'hui, le conflit qui est entre le Burundi et le Rwanda, il est apparent, alors que avant on le soupçonnait, il évoluait presque en sourdine. Du fait que maintenant il est apparent et qu'il est là, il reste maintenant de trouver une solution. Mais ce conflit avec le Burundi, il a 2 origines. La première origine, c'est une question de modèle, parce que le modèle burundais est un modèle, je dirais, qui est démocratique. Parce que le modèle burundais, il est issu des accords d'Arusha, où il n'y a pas une armée qui a chassé une autre. C'est une armée paritaire ethniquement, une police paritaire ethniquement. Et politiquement, nous avons un Sénat paritaire ethniquement, avec une assemblée nationale composée d'Hutu et de tout type, et issue des élections démocratiques. Et ensuite, ce que nous avons aussi, nous avons un modèle pratiquement de liberté d'expression. Tous ces éléments que je viens de donner n'existent pas au Rwanda, où nous avons une dictature. On a une armée qui a chassé. Oui, Jean Dodieu Moutabazi, je suggère qu'on se limite justement sur le conflit burundais, sur ce conflit qui est entre le Burundi et le Rwanda, puisque nous n'allons pas avoir justement cette partie rwandaise pour réagir sur leur politique. Laissons de côté la politique rwandaise, mais justement voir la gestion de cette crise entre les deux pays. La crise, pour le moment, elle ne peut pas être gérée directement par les Burundais et les Rwandais. Il faudra recourir à des instances que nous avons en commun, soit au niveau de l'EAC, ou d'ailleurs, quand on était dans les consultations, on a évoqué cela au niveau de la médiation, que la médiation devait intervenir pour essayer de rétablir les relations entre les deux faux jumeaux. Et je suis déjà au courant qu'une plainte a été déposée au niveau de la CIRGL. Le Burundi a déposé plainte. Je ne sais pas encore si le Rwanda a déjà présenté sa défense. Et même si elle présentait sa défense, ce serait vraiment une défense fabriquée de toutes pièces. Deuxièmement, la plainte du Burundi, elle est basée sur des faits, même si vous dites que ce n'est pas politique. Ouais. Ce sont des faits où, à plusieurs reprises, le Burundi a été objet d'agressions d'agression des éléments armés à partir du Rwanda à plusieures reprises. De toutes les façons, je ne crois pas que c'est durant ce nouveau conflit. Nous parlons de son nouveau conflit. Est-ce que, Jean Didier Moutabazi, à voir la situation actuelle, est-ce que le dialogue est encore possible entre les deux pays, puisqu'ils ont déjà fait des étapes d'approcher la communauté internationale ou la sous-région? Est-ce que le dialogue est encore possible entre le Burundi et le Rwanda ou entre les autorités des deux pays? Bien sûr, c'est possible. Comme je vous disais, les Rwandais, ce sont nos frères. Ouais. Je disais que nous sommes de faux jumeaux, mais nous sommes des jumeaux quand même. Et on ne peut pas continuer à vivre en conflit parce que personne n'est à l'aise dans ce conflit. Mmh. Alors tout le monde a intérêt à ce que ce conflit prenne fin. Mmh. Et qu'est-ce que vous suggérez justement pour que ce conflit prenne fin? Ce que nous suggérons, c'est tout simplement que notre voisin du Nord, le Rwanda, ne puisse plus s'ingérer dans la politique intérieure du Burundi, puisse laisser le modèle démocratique burundais dont il est jaloux, puisse évoluer normalement. Et deuxièmement, il faudrait aussi qu'il laisse les relations avec notre grand voisin de l'Ouest, la RDC, pour que les relations puissent s'améliorer et qu'il arrête aussi ses velléités hégémoniques envers Kinshasa. Un diplomate a souligné un jour qu'il fallait que les autorités provinciales des deux pays qui sont frontalières devraient entrer en communication. Est-ce que vous trouvez ça utile? Non, je pense que le niveau des gouverneurs, mm-hmm. il est déjà dépassé. Mm-hmm. Et même le niveau des deux capitales, Bujumbura et Kigali, est déjà dépassé. Et même le niveau des gouvernements. Oui, il faudrait tout simplement qu'au niveau de l'EAC, au niveau de la CIRGL, on puisse se rencontrer et qu'on puisse résoudre ces différends, mm-hmm. et que le Rwanda reconnaisse sa part de faute. Merci Jean Dodieu Moutabazi. Je rappelle que vous êtes de la coalition COPA, justement, qui est partie aux élections avec le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Merci. Kenshi nurusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza umva kwejya ngo ujya muhimbira yongira ikijeho sha L'émission C'est Mosaïque, et nous avons parlé du conflit burundo-rwandais justement en direct. Et voilà, l'ancien diplomate Cyprien Bonima a soulevé le fait que le Rwanda n'aurait aucun intérêt à attaquer le Burundi et à son avis et vice-versa. Et chaque fois qu'il y a eu des réfugiés burundais qui sont au Rwanda ou des réfugiés rwandais qui sont au Burundi, il y a toujours eu des soupçons de deux côtés. Le diplomate Cyprien Bonima, j'entends au téléphone par Joseph Sabiabandi. Je crois que la tension actuelle résulte essentiellement de la présence de réfugiés burundais au Rwanda. J'ai pu voir que le Burundi accuse le Rwanda de vouloir armer les réfugiés. Je ne sais pas si c'est dans quelle mesure cela est vrai. Donc le problème pour moi, c'est la présence des réfugiés burundais au Rwanda. Et alors, à chaque fois que nous avons eu des problèmes, nous en avons eu dans les années 70, nous en avons eu dans les années 88. Et chaque fois, la solution, ça a été le contact entre les dirigeants, que ce soit des dirigeants au niveau local, que ce soit les contacts au niveau des dirigeants gouvernementaux, ou que ce soit des contacts au niveau diplomatique. Tous les canaux de communication peuvent être utilisés pour régler ce problème. Je ne crois pas que le Rwanda ait un intérêt à attaquer le Burundi. Je ne vois pas ce scénario. Je ne vois pas le nombre de Burundi chercher à agresser le Rwanda. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait. Mais encore une fois, la solution, c'est qu'il y ait un contact à tous les niveaux. Que ce soit le Burundi ou le Rwanda, les deux pays sont dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que cette communauté peut y apporter sa contribution? Non, d'abord, il faut que les dirigeants rwandais, burundais se parlent. Avant d'amener la question au niveau de la communauté sud-ouest, je crois que nous avons quand même des dirigeants qui sont soucieux de l'intérêt de leurs pays respectifs. Et je crois qu'un dialogue doit pouvoir s'installer entre nos deux pays avant que l'affaire soit portée au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. Justement, émission en direct, Mosaïque, nous sommes en train de parler du conflit burundo-rwandais, sa gestion, ses contours. Nous sommes en direct avec Tassien Sibomana, de l'UPRONA de l'opposition. Tassien Sibomana, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Ouais, à voir la situation actuelle entre le Burundi et le Rwanda, votre appréciation. Oui, la situation entre le Burundi et le Rwanda est plus qu'inquiétante. Et cela ne date pas, contrairement à ce que les uns peuvent penser, ne date pas de la crise du troisième mandat. Parce que vous savez très bien que le Burundi et le Rwanda se sont accusés sur la question des cadavres qui flottaient sur la rivière Rweru, le lac Rweru du nord du Burundi. Et il y a beaucoup d'autres suspicions liées à la présence probable des Interahamwe sur le territoire burundais. Bref, l'histoire de nos pays, l'histoire de la sous-région, est une des raisons qui, si une fois il y a une étincelle, recommence à mettre en exergue les différends qui ont existé d'une façon ou d'une autre entre les pays respectifs de la sous-région. Vous vous rappelez très bien que dans notre sous-région, il y a eu beaucoup de rébellions, beaucoup de mouvements et de groupes armés qui ont effectué des déplacements transfrontaliers entre le Burundi, le Rwanda et la RDC, pourquoi pas en Tanzanie. Vous vous rappelez qu'il y a eu des accords qui avaient été signés entre le mouvement CNDD-FDD quand il était encore au maquis avec les ex-phares du Rwanda, responsable du génocide des Rwandais de 1994. Et justement, Tassien Sibomana, nous allons nous limiter justement à ce conflit et à la gestion. Je fais un peu de recul pour vous montrer que s'il y a une petite étincelle, ça fait un peu déborder le vase, comme on dit, une goutte d'eau peut faire déborder le vase. Je m'arrête là pour ce qui est du petit recul historique qui ne manque pas d'intérêt. Pour ce qui est de la crise présente, effectivement, le Burundi a profité de la présence des réfugiés burundais sur le sol rwandais et il a voulu changer la nature de la crise que nous vivons aujourd'hui, qui est de nature politique. Et le gouvernement burundais a voulu transformer la crise en une crise ethnique. Et pour convaincre plus d'un, il a voulu impliquer les institutions de Kigali pour pouvoir convaincre la communauté nationale et internationale que la crise burundaise est une crise de nature politique, de nature ethnique plutôt, alors que Dieu seul sait combien elle est de nature politique. Et pour détourner l'attention de la communauté internationale sur les vrais mobiles du parti au pouvoir et des institutions illégales, c'est justement de détourner l'attention pour montrer que le Burundi est en crise avec le Rwanda pour que la crise qui s'écoule au Burundi ne soit pas la préoccupation de la communauté internationale. Tassien Sibomana, justement, est-ce qu'on va on ne va pas justement accepter que ce sont des institutions illégales quand il y a eu des élections, n'est-ce pas? Les institutions illégales. Et justement, et par rapport à ça, justement, le conflit n'est pas là, mais à voir la situation actuelle, quelle est votre appréciation sur le fait dont le conflit entre le Burundi et le Rwanda est géré en ce moment? Je voudrais d'abord rectifier, madame. Les élections illégales engendrent des institutions illégales. Je n'en dis pas plus. Je comprendrai qui voudra. Okay. Pour ce qui est de la crise, il y a de la gestion de cette crise, exactement. Il y a des protocoles internationaux, régionaux et sous-régionaux qui organisent les mouvements transfrontaliers. Il y a des protocoles des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CIRGL, de la CPGL et de l'EAC qui parle de comment la gestion des réfugiés est faite. Je pense qu'au lieu d'aller sur les voies des ondes pour diffuser des communiqués qui ne font qu'attiser le feu, mmh. autant lire attentivement ces différents protocoles, les interroger, et privilégier le principe du bon voisinage qui a toujours caractérisé les pays, notamment la CPGL, et pourquoi pas privilégier la voie du dialogue entre les responsables, que ce soit transfrontaliers et pourquoi pas au niveau des différents gouvernements. Sinon, continuer à s'attaquer mutuellement sur la voie des ondes, ça ne fait qu'attiser la haine, ça ne fait qu'attiser le feu, et cela ne constitue pas une voie sûre pour arriver à régler le conflit. Est-ce qu'à voir à l'étape actuelle du conflit, le dialogue est encore possible entre le Burundi et le Rwanda? Oui, le dialogue est toujours possible, même ceux qui se sont livrés des guerres armées arrivent en définitive à s'entendre sur, en passant par la voie négociée. Mm-hmm. Or, le Burundi et le Rwanda jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas encore livrés une guerre armée. Mm-hmm. Je ne vois pas pourquoi on peut déjà penser que le dialogue n'est plus possible. Moi, je suis convaincu que c'est la seule voie qui va sauver les relations entre nos deux pays et qui sont, de par l'histoire, considérés comme des frères, pour ne pas dire des frères jumeaux. Oui, oui, oui. Ok, merci beaucoup, messieurs Tassien Sibomana. Je rappelle que vous êtes de l'UPRONA de l'opposition. Je vous remercie aussi, madame. Radio Isanganiro, je rappelle que vous suivez l'émission Mosaïque en direct et que nous sommes en train de parler justement des relations entre le Burundi et le Rwanda, cette crise, sa gestion, sa lecture. Et le ministre des Relations extérieures, l'ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe, reconnaît qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens burundais et les citoyens justement rwandais, mais les problèmes se trouvent plutôt entre les gouvernements des deux pays. Le ministre des Relations extérieures, traduit par Bernard Bangoukir. Nous l'avons toujours dit et répété que l'attitude du gouvernement de ce pays envers le Burundi n'est pas bonne. Nous le disons ouvertement, sans rien cacher, et c'est connu. Mais entre les Burundais et les Rwandais, il n'y a pratiquement aucun problème. C'est juste un problème entre le gouvernement burundais et le gouvernement rwandais. Ceci dû à la mesure prise par le gouvernement rwandais de s'ingérer dans la politique interne du Burundi et d'aider certains groupes mal intentionnés envers le Burundi. Ce n'est pas nous ceux qui disons cela. Les organisations indépendantes l'ont dit, les représentants de leur pays au Rwanda l'ont dit, même certains pays l'ont dit, incluses même les Nations Unies, dans deux rapports, dont le plus récent est celui de février. Donc ce n'est pas un doute, c'est clair. De notre part, nous avons toujours dit que, en tant que pays agressé par ce pays, nous saisirons la communauté internationale pour contrer ce pays à renoncer à faire ce qu'il est en train de faire. C'est un pays voisin, nous aimerions vivre en harmonie avec lui, mais ce n'est pas bon de continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Justement, le ministre des Relations extérieures du Burundi, l'ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe, s'est exprimé après la rencontre avec les diplomates et les représentations des organisations non gouvernementales au Burundi. Je vous rappelle que l'émission Mosaïque est en direct et les téléphones, ce sont les mêmes. C'est le 22, le 24, le 66, 01, 22, 24, le 66, 02. Encore une fois, bienvenue. Yage muzi ukiri cyo imbere jambo iri cyari nanzi ndagahanwa umuti wavyo na unda tariki yago hamwe mwicara mukaganira uti binavyo numva binavyo ndavyumva umwe karekura nuhunda karekura ijambo rigaheza uori kaumunoni vugana vugana ikiyago nikindi kutavugana ni soko nyamazine raba muyage muzi ukiri vyo imene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago nikindi vugana vugana vugana ikiyago nikindi unsamirizi nimbonesha kure iya barundi kwari vyiza kuyaga muvuge muti barundi barundi kati chamwe muyagiwa bake kugikiganiro numuvikano bivyara majambere arabandika bavyandike abatore nabo batanga karorero vugana vugana ikiyago nikindi kutavugana soko nyamazime kama muyage muzi ukiri vyo imene jambo ili charitishe na hori kakiza vugana vugana vugana vugana vugana ikiyago nikindi abanye politike vugana vugana ikiyago nikindi abada sangi imigamwe vugana ni soko nyamazime kama muyage muzi ukiri vyo imene kama muyage muzi ukiri vyo imene jambo ili charitishe Shena hori kakiza Fugana, fugana, fugana Ikiyago nikindi Fugana, fugana, fugana Ikiyago nikindi Mana Mimuse tuyage Fasha barundi tuyage duguza Kuvuga kazo za kigihugu cyacu tuyage Na bene burundi Nimuse tu ya, Arigese, twes. Radio Isanganiro, l'émission Mosaïque, justement Mosaïque en direct. Nous sommes en train de parler du conflit entre le Burundi et le Rwanda, sa gestion. Nous sommes en direct avec l'ex-président burundais, Domitien Ndayizeye. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, justement, nous étions en train de parler de ce conflit nouveau entre le Burundi et le Rwanda. Et votre appréciation à l'étape actuelle de ce conflit, Bon, d'abord, moi, je veux soutenir certaines positions qui ont déjà été exprimées tantôt. Mm-hmm. Mais je dirais d'abord, en Kirundi, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses voisins. Mm-hmm. Donc, le voisin... c'est quelqu'un avec qui il faut soigner, disons, tout. Parce que s'il est malade, vous êtes malade. Et si vous êtes malade, il l'est aussi. Deuxièmement, en termes de pays, tout le monde sait que nous partageons beaucoup avec les Rwandais, notamment au niveau des ethnies, au niveau des langues. Et troisièmement, vous savez qu'avec les frontières que nous partageons, nous partageons beaucoup de choses, des mariages, etc. Mmh. Alors, maintenant, pour ce qui concerne le conflit, je me dis, quand un conflit existe, cela est tout à fait normal. Ça existe même dans d'autres pays, mais ce qui compte, c'est la manière de résoudre ce genre de conflit. Ouais. L'origine de ce conflit entre le Burundi et le Rwanda, c'est que nous avons des problèmes ici au Burundi et que, d'après le gouvernement burundais, les autres en ont profité pour essayer d'attiser cela. Bon, et le Rwanda s'en défend. Mm-hmm. C'est déjà une bonne chose que les uns et les autres estiment qu'ils ne sont pas mêlés à cela. C'est dire que et les Rwandais estiment que ce dont ils sont accusés par le Burundi, ce n'est pas bon. Et le Burundi estime également que cela n'est pas bon. Donc, cela est à éviter. Mm-hmm. Nous, les deux sont d'accord. Mm-hmm. Alors, je me dis que maintenant, il faut trouver comment chacun peut rassurer l'autre. Mm-hmm. Ce n'est donc pas par le biais des radios, ce n'est pas par le biais des publications que l'on peut résoudre ce genre de problème. Nous avons un ministère des Relations extérieures. Nous avons un service national de renseignement. Nous avons deux présidents de la République de part et d'autre. Mais il y a des canaux de communication qui peuvent aider les deux pays à pouvoir accorder les violons sur ce problème, notamment chacun en présentant les preuves qu'il a et ne pas mêler tout cela à la population. Mmh. Deux, trois, je dirais même cinq, pardon, nous avons des organisations régionales. Il y a la CPG, il y a l'East African Community, il y a même l'Union africaine. Mmh. Mais comment peut-on arriver à vouloir se rentrer dedans? Mmh. Parce que j'apprends au niveau des frontières, il y a des attroupements de temps en temps, il y a des remontrances qui font que les voyageurs qui vont de part et d'autre ne sont pas rassurés. Mm-hmm. Et tout cela peut être évité par l'intermédiaire de l'aide de ces organisations là-bas, sans parler des Bashingana et Burundais et Rwandais qui peuvent aider mm-hmm. à résoudre ce genre de problème. Et Dieu merci, les deux pays ne se sont pas encore entrés dedans, c'est déjà un atout. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut profiter de cela pour chercher ces intermédiaires qui pourraient aider. Mmh. Ils sont là, nous sommes là, nous pouvons aider. Je pense qu'il n'y a personne qui gagnerait à ce que les échauffourées continuent entre les deux pays. D'autant plus que il n'y a le Burundi ne va pas déplacer le Rwanda ne va pas déplacer le Burundi. Mmh. Et si par malheur l'un voulait occuper l'autre, je pense que ça ne durera pas longtemps. Mmh. Donc, mon conseil, c'est que nous profitions de ces organes qui existent, de ces organisations qui existent, mm-hmm. de ces ministères qui existent, de ces ministres, etc., pour entrer en contact avec leurs homologues rwandais et burundais pour résoudre ce problème. Je pense que ce n'est pas un problème impossible. Parce que l'intangibilité des frontières est reconnue par tous. Mm-hmm. L'entrée ou l'immixtion de l'un ou l'autre pays dans les affaires intérieures ou dans les politiques des deux pays sont reconnues par tous. Mm-hmm. Qu'est-ce qui devrait aujourd'hui provoquer que le Burundi et le Rwanda se rentrent dedans? Mm-hmm. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas tellement de moyens et que les moyens que nous avons, nous devrions l'utiliser, nous devions les utiliser pour notre développement étant entendu que nous ne sommes pas dans les premiers pays les plus riches de l'Afrique, sans parler du monde. Voilà moi ce que je conseillerais aux gens. Mm-hmm. Et je l'ai toujours dit chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer mes frères burundais, mm-hmm. pour favoriser cette voie de dialogue, cette voie que nous avons même consacrée à Arusha. Mm-hmm. Je pense que cela va aider tout le monde. Voilà. Ouais, selon vous, le dialogue est encore possible entre les deux pays, entre le Burundi et le Rwanda, au niveau des gouvernements? Ça, je n'en doute pas du tout. Mm-hmm. Je n'en doute pas du tout. Même les pays les plus puissants du monde, je parle de la Russie, je parle des États-Unis, je parle de l'Égypte et de l'Israël, je parle de l'Israël et de la Palestine, ils sont toujours sur cette voie de dialogue et de négociation. Mm-hmm. Et je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas pareil. D'autant plus que nous ne sommes pas encore arrivés à leur niveau de contradiction. Mmh. Justement, vous avez dirigé le pays et dans le passé, est-ce que vous avez eu à gérer des conflits pareils? Si, j'ai eu à gérer cela. Par exemple, je ne vous cacherai pas qu'un bonjour, j'ai appris des autorités rwandaises que il y avait des Interahamwe dans la forêt de la Kivira et qui s'apprêtaient à attaquer le Rwanda. Mm-hmm. Moi, j'étais convaincu du contraire. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, je suis entré en acte direct avec le président rwandais et j'ai d'abord dit que je n'accepterai jamais qu'une attaque puisse être proférée contre le Rwanda à partir du Burundi. Mm-hmm. Alors, je lui ai demandé des informations. Alors, il m'a donné les informations qu'il avait. Je les ai transmises à mes services. Alors, nous avons recommandé que nos deux services entrent en contact et qu'ils se rassurent mutuellement. Et nous avons, je ne vais pas entrer en détail, mais nous avons procédé mmh. à des opérations qui ont abouti à nous rassurer mutuellement. Mmh. Et en fin de compte, nous avons constaté que ces FDLR n'existaient pas au Burundi. Mmh. Et le Rwanda a été rassuré mmh. et nous avons convaincu. Et ça s'est arrêté là et nous avons continué nos relations bon enfant à l'époque. Mmh. C'est comme ça qu'il faut résoudre les problèmes. La communication, il faut que même si l'un ou l'autre croyait qu'on cache à l'autre, mmh. moi je dis, le Burundi estime par exemple que le Rwanda fait des choses en cachette, il faut que le Burundi le dise au Rwanda et que le Rwanda rassure le Burundi et vice-versa. Mmh. C'est comme ça qu'on résout les problèmes, c'est de rassurer votre collègue ou votre interlocuteur dans le côté où il doute le plus. Mmh. Alors, à ce moment, vous êtes rassuré. Mais évidemment, il y a des règles qu'il faut respecter. Je dis, par exemple, quand on demande à un pays qui abrite des réfugiés de les rapatrier de force, je considère que cela viendrait contre les lois et les accords internationaux. Mmh. Ça existe. C'est comme quand le Burundi réclame des réfugiés burundais de rentrer au Burundi. Non, ce n'est pas possible. Ou quand le Rwanda exige du Burundi de lui renvoyer des réfugiés rwandais, ça, ce n'est pas possible. Bon, il y a tous ces textes, tous ces accords qu'il faut respecter, mais il y a aussi des accords qui exigent de chaque pays le respect des droits des autres pays à travers ces accords là-bas. Mmh. Donc, vous voyez, c'est du donnant-donnant. Mmh. Ouais. Oui, est-ce que justement le gouvernement burundais a déjà annoncé qu'il a déposé des plaintes au niveau de l'EAC ou bien au niveau de la communauté internationale? Est-ce que vous estimez qu'il y a des étapes qui auraient été sautées? Bon, écoutez, je ne suis pas renseigné sur toutes les démarches que le Burundi a fait. Moi, mmh. je ne fais que mettre des commentaires de vision. Maintenant, s'il y a des étapes qui ont été sautées, il n'y a que le Burundi qui peut le savoir, parce que chaque fois qu'il écrit, il ne me donne pas de copie. Mm-hmm. Alors, bon, à lui d'estimer s'il a respecté cela, mm-hmm. mais je considère qu'il est dans l'intérêt des deux pays de résoudre ces problèmes. Parce que je ne pense pas qu'entre le Rwanda et le Burundi puisse y avoir tellement de différences qui devraient conduire ces deux pays à se rentrer dedans. Moi, je ne comprendrais pas cela si jamais il advenait que les deux pays se rentrent dedans. Par ailleurs, moi, je n'ai pas tellement peur, je dois vous le dire personnellement, mm-hmm. parce que j'ai déjà discuté avec des Burundais, j'ai déjà discuté avec des Rwandais. Il n'y a aucune autorité qui m'a déjà dit que l'un ou l'autre jour, il va traverser la frontière. Tout le monde est dit qu'il faut se garder de cela. Deuxièmement, les questions qui sont à la base de ce conflit, c'est le conflit burundo-burundi. Mm-hmm. Et je considère qu'au Burundi, on est en train d'essayer mm-hmm. de résoudre ce problème au niveau interne. Ce qui, de mon point de vue, créera moins de prétextes à ce que ces deux pays continuent à se garder en chien de faïence. Mm-hmm. Alors, je me dis courage au Burundi d'abord pour aller de l'avant dans cette démarche de résoudre notre conflit par le dialogue. Moi, j'encourage le gouvernement, j'encourage les politiciens burundais à continuer ce dialogue qui, de mon point de vue, tente de commencer à Arusha. Mm-hmm. Alors, à ce moment, je pense qu'il n'y aura réellement aucune raison à ce que le Burundi ait perdu Rwanda et vice-versa, parce que nos compatriotes tous rentreront. Tous ceux qu'on croit qui pourraient être utilisés contre les Burundi, le Burundi étant des Burundais réfugiés ou pas, je pense que cela sera remis au rencard. Oui, et justement, pour terminer, en bref, quel serait votre conseil comme un ex-chef d'État qui a aussi eu à gérer des conflits dans le passé? Bon, favorisons le dialogue. Mm-hmm. Respectons-nous les uns et les autres. Respectons les droits des autres. Ne nommerons pas des politiques des autres pays, sauf pour ce qui concerne les droits internationaux. Mm-hmm. Voilà. Merci, merci de votre contribution dans l'émission Mosaïque. Ok, donc. Et bonne journée. Pareil. Mm-hmm. Abom serimehe bicara hamwe bagatera biri bakayaga bahusa kubibabakiye nyumviriza nkumvirize kuko imitwi korikoranye umusi nuyu nacushaka yoho chuti. L'émission Mosaïque, nous sommes en direct, nous sommes en train de parler justement d'autoconflit entre le Burundi et le Rwanda, de sa gestion. Voilà, Tassien Siromana qui revient en ligne. Encore une fois, bonjour. Rebonjour, madame. Oui, justement, le Burundi a déjà parlé de dépôt de plainte au niveau de la communauté internationale. Est-ce que vous estimez que c'est le meilleur moyen de pouvoir résoudre ce conflit? Oui, comme je le disais tantôt, comme le président à domicile le disait tantôt, je ne crois pas que ce soit la meilleure voie pour trouver une issue favorable au conflit. Parce que aussi longtemps que la voie du dialogue est toujours possible, et nous sommes convaincus que c'est toujours possible, et d'ailleurs c'est la seule qui peut nous amener à une cohabitation pacifique avec notre pays voisin, je vois pas comment on pourrait sauter les étapes de contacts diplomatiques, de relations diplomatiques, de consulter les différents accords que j'ai cités tantôt et de mettre en contribution même les institutions des Nations Unies, je pense au HCR, pour voir si réellement le protocole relatif aux réfugiés est respecté comme tel. Donc je pense que la voie arbitrale est une des voies qui est prévue, d'accord, mais ça devait être envisagé quand la voie du dialogue est déjà dépassée. Mais comme toujours, le dialogue, il faut créer les conditions minimales pour que ce dialogue puisse commencer. Et je pense que le ministre Nyamitwe a dit que les Rwandais et les Burundais nous n'avons pas de problème entre nous, les problèmes se trouvent entre le gouvernement. Mm-hmm. Je pense que déjà sur cette base, mm-hmm. ça pouvait aider le gouvernement à commencer en privilégiant les contacts entre les populations des frontières, les contacts entre les administratifs des frontières. C'est un début qui peut servir de tremplin pour le gouvernement du Burundi et celui du Rwanda. Et que si jamais les gouverneurs, les administrateurs communaux qui sont sur les frontières, s'ils envisagent ou s'ils commencent les dialogues, s'ils privilégient la libre circulation des personnes et des biens, et voilà, les différents gouvernements auraient la facilité vraiment d'entrer en contact. D'autres conditions, bien sûr, nécessaires à ce dialogue, c'est que il ne faut pas privilégier la chasse à l'homme. On a On a constaté qu'il y a des Rwandais qui ont été tués dans cette crise parce qu'ils sont Rwandais. Mmh. Il y en a d'autres qui sont emprisonnés. Il y a des Burundais qui sont refoulés. Il y a des réciprocités, comme on dit, en matière diplomatique. Un pays pose un acte, l'autre doit réciproquer. C'est ça, c'est le principe de la réciprocité. Bref, ce communiqué qui attise le feu, tout cela constitue des préalables qui sont nécessaire à lever pour que ce dialogue puisse être favorisé. Sinon, la question que vous m'avez posée, je l'ai répondu. Mm-hmm. Il ne faut pas envisager des voies arbitrales ou judiciaires quand la voie négociée entre les concernés est toujours possible. Et je réaffirme haut et fort que cette voie est toujours possible et c'est la seule d'ailleurs qui apporte une solution durable à toutes sortes de crises. Mmh. L'ancien diplomate Cyprien Bonima avait déjà soulevé que le Rwanda n'aurait aucun intérêt à attaquer le Burundi et vice-versa. Et chaque fois qu'il y a eu des réfugiés burundais sur le sol rwandais ou des réfugiés rwandais sur le sol burundais, il y a toujours eu des soupçons entre les deux pays. Et il a suggéré que le dialogue devait commencer au niveau local, surtout dont les représentants des provinces, les gouverneurs de provinces françaises alliés de deux pays. Est-ce que vous estimez que ça peut être une des meilleures solutions? Absolument, je l'ai dit, il faut commencer justement par de petits pas. Il y a des bourgmestres qui sont sur les frontières, nous avons des administrateurs communaux. Ceux-là peuvent se rencontrer et résoudre les relations entre les communes respectives, favoriser la libre circulation des personnes et de biens qui sont de leurs ressorts respectifs. Et si cela se fait au niveau des communes, ça monte au niveau des provinces suivant leur appellation Rwanda, et si au niveau des gouverneurs le dialogue est engagé, cela facilite le dialogue au niveau des ministères. Mais encore une fois, il faut des conditions préalables. Et je crois que la cause majeure qui a suscité les suspicions entre les deux pays, c'est la présence des réfugiés, comme l'ancien ministre Mbonimpa l'a dit, des Burundais qui sont réfugiés au Rwanda. Eh bien, il ne faut pas fuir nos responsabilités. Si nous résolvons notre crise et que ces réfugiés trouvent des conditions suffisantes de sécurité, de paix, pour regagner leur pays natal, écoutez, il y aura moins de prétextes pour que les deux pays s'auto-accusent mutuellement. Donc, il faut prendre les taureaux par les cornes, résolvons notre problème, et je crois qu'il y aura très peu de prétextes pour accuser le Rwanda ou vice-versa. Merci encore une fois, Tassien Sibomana. Merci pour votre contribution dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous remercie, madame. Je souhaite bon week-end à tous les auditeurs de votre radio. Merci encore. Oui, bon week-end et merci également. Yemerera tuyage umusinuyu kandi nimbone karimwe umusinuyu kandi bigiye nama Haraoba wibagiye chane oba wirengagije vuga nawe turagukene vuga nawe seruri byumviro kumuri kizovuga izova mwinyishu nega biri gutega yandi kumvikane Radio Isanganiro, c'est par ici qu'elle prend fin l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous étions en direct et nous étions en train de parler justement de ce conflit entre le Burundi et le Rwanda. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à cette émission et ont donné leur riche contribution. Nous disons merci à Tassian Sibomana, et nous disons merci à Jean de Dieu Moutabazi. Nous disons merci également et à l'ex président domicien d'Aïzéye pour sa contribution dans cette émission. Merci à l'ambassadeur Alain Emenyamitwe qui est le ministre des Relations extérieures burundais. Et merci et également à Cyprien Bonima qui a donné sa contribution dans cette émission Mosaïque. Albert était du côté de la cabine technique. C'est lui qui a permis que vous avez justement capté cette émission côté technique. Merci également à Évariste Nzikobanyanga pour la réalisation. Et Marie-Ange Nzeimana était avec vous au micro. Merci et bon week-end. Mosaïque.